بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما علمتم أيها الإخوة سنتكلم اليوم عن مسألة تتكرر في كل عام comme vous avez pu l'entendre, chers frères. On va aborder aujourd'hui un sujet qui se répète chaque année. Et donc le sujet que j'ai annoncé, c'est une fatwa de l'éminent le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, comme on peut le voir dans son Majmou'a, le volume numéro 14. À la page 208, dont le titre est « Hukmu daf'i zakatil fitri nuqudan ». Le jugement quant au fait de s'acquitter de la zakat al-fitr en argent. Il nous dit, rahimahullah, pourquoi j'ai choisi l'imam Ibn Baz? Parce que c'est un imam qui est connu dans la communauté musulmane, hein, parmi les contemporains. Et pour qu'on ne dise pas, c'est, encore une fois, c'est la parole d'Abdul Karim. Donc on va lire, inshallah ta'ala, ce que nous dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin, وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودا. Certes, beaucoup de nos frères m'ont interrogé concernant le fait de s'acquitter de la zakat al-fitr, l'aumône liée à la rupture du jeûne, en argent. والجواب لا يخفى على كل مسلم لَهُ أَدْنَى بَصِيرَةٍ أَنَّ أَهَمَّ أَرْكَانِ دِينِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Le cheikh, il commence en nous disant la réponse. Sujet, la zakat. Zakat al-fitr. La réponse, il est clair. Pour tout musulman ayant un minimum de clairvoyance, que le plus important des piliers de la religion musulmane, la religion du monothéisme pur, est l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Commence la réponse sur Zakat al-Fitr avec Shahadatayn, le premier pilier de l'islam. Pourquoi? On va comprendre, inshallah ta'ala. Il nous dit « Wa muqtada shahadati an la ilaha illallah, an la yu'abada illallah wahda. » Et certes, l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah implique que rien ne soit adoré en dehors d'Allah. Que seul Allah soit adoré. ومقتضى شهادتي أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite il nous dit, rahimahullah, et certes l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah implique que Allah ne sera adoré, Allah ne doit être adoré que comme l'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est muhim, ça c'est important. Anta ta'taqid annahu rasulullah thumma ta'ti wa taqul la an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala shay'an lakinni ara shay'an akhar. Donc toi tu as la ferme croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le messager d'Allah, puis après ça tu dis le prophète il a dit de faire comme ça, mais moi je pense qu'on peut faire comme ça. C'est lui ou c'est toi? Qui est venu, qui a été envoyé pour nous montrer comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala? C'est lui, et donc c'est lui qu'on doit suivre. C'est lui qu'on doit suivre. Ici le cheikh, il nous montre un principe important lié à ce pilier de l'islam. Le fait que tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela implique que tu adores Allah comme lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, te l'a montré. et pas comme un tel ou un tel et un tel. Et c'est là qu'on rajoute un point essentiel que les savants ont aussi cité. أن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله أن لا نقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. Et aussi le fait que cette attestation là, il Muhammad Rasulullah, cela implique aussi que tu ne fasses prévaloir la parole de quiconque devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole de quiconque. Et donc, il ne faut pas venir à la fin et dire « Oui, mais l'imam Abu Hanifa a dit. » Un imam de la communauté. On va te dire « Naam, imam de la communauté. » Mais tu ne peux pas dire non plus « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imam de la communauté. » Et donc, personne, la parole de quiconque ne prévaut à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il a commencé sa réponse en nous citant ce point essentiel. Et après, elle continue en disant wa zakatul fitri ibadatun bi ijma'il muslimin wal ibadat al aslu fiha at tawqif. Il nous dit et la zakatul fitr, l'aumône liée à la rupture du jeûne, c'est un acte d'adoration selon l'unanimité des musulmans. Et certes, la base dans les adorations, c'est qu'elles dépendent des preuves. Tawqif, le fait que ces actes dépendent des preuves. Tu ne peux pas faire un acte d'adoration si tu n'as pas une preuve venant des textes de la législation. Fala yajuz li ahadin an yata'abbada bi ayyi ibadatin illa bima thabata 'anil mushari'il hakim 'alayhi salawatullahi wa salamuhu. Et donc, il n'est permis à personne d'accomplir un acte d'adoration sans se baser sur ce qui a été rapporté de manière authentique du législateur sage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, celui dont son seigneur tabaraka wa ta'ala a dit de lui wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, il ne parle pas selon la raison. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Wa qala huwa fi dhalik man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et lui-même, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, celui qui innove dans notre sujet, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. Donc son innovation est rejetée. Celui qui accomplit un acte qui ne respecte pas notre ordre, son acte est rejeté. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, a expliqué la zakat al-fitr, donc l'aumône liée à la rupture du jeûne, et cela parce qu'il a été rapporté de lui de façon authentique, donc dans les hadiths. Et ensuite le cheikh qui nous dit sa'an min ta'am, et donc un sa' de nourriture, c'est quoi un sa'? Arba. Et donc c'est quatre fois les deux mains jointes. D'accord? Et donc c'est quatre fois les deux mains jointes. Deux, attention, c'est pas la main d'Abdelkarim. Parce que c'est pas la même chose. Et donc, c'est Moud de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, un sa' de nourriture, ou un sa' de dattes, ou un sa' d'orge, ou un sa' de raisin, ou un sa' de akit. C'est un fromage qui est sec. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Ensuite l'auteur il nous dit, ensuite le cheikh Ibn Baz rahimahullah, il nous dit certes Al-Bukhari et Muslim ont cité, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu l'aumône liée à la rupture du jeûne obligatoire à tout esclave et libre, homme ou femme, petit ou grand, parmi les croyants. Cette obligation qui doit être donnée en un sort de date ou un sort d'orge, Et il a ordonné que celle-ci soit distribuée avant que les gens ne sortent pour la prière. Et donc, le hadith dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kunna nu'tiha fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous la distribuions, c'est-à-dire la zakat, en un sort de nourriture, ou un sort de dattes, ou un sort d'orge. Ou un sort min zabib, ou un sort de raisin sec. Ou fi riwaya, ou un sort min akit, ou un sort de akit. Muttafaqun ala sihhatihi. C'est un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim. فَهَذِهِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاتِ الْفِطْرِ. Ensuite, le cheikh nous dit ceci est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant la zakat al-fitr. وَمَعْلُومُ أَنَّ وَقْتَ هَذَا التَّشْرِيعَ وَهَذَا الْإِخْرَاجِ يُوجَدُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَةً مُجْتَمَعَ الْمَدِينَةِ الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة أنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر. Ensuite, il nous dit le cheikh rahimahullah, et certes, il est connu qu'à cette époque, l'époque de la législation, l'époque où il s'acquittait de la zakat, donc le prophète et ses compagnons, il y avait entre les mains des musulmans, et particulièrement dans la société de Médine, il y avait des dinars et des dirhams. Et ces deux éléments qui étaient la monnaie de base à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas cités concernant l'aumône liée à la rupture du jeûne. فَلَا كَانَ شَيْءٌ يُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْهُمَا لَأَبَانَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Et s'il y avait un de ces deux éléments, donc la monnaie, c'est-à-dire le dinar ou le dirham, s'il y avait un des deux qui était suffisant pour l'aumône liée à la rupture du jeûne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait montré. إِذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوَيَنِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. Car il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement lorsque le besoin est présent. Les musulmans, ils ont besoin que le prophète il nous explique. C'est le moment où la législation est faite. Et donc, il faut qu'il nous explique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de quoi on va sortir la zakat al-fitr. S'il n'a pas cité l'argent, s'il n'a pas cité nam el-naqd, il n'a pas cité la monnaie à ce moment-là, cela n'en fait pas partie. ولو فعل ذلك لنقله اصحابه رضي الله عنهم. Et s'il avait fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ses compagnons l'auraient rapporté de lui. وما ورد في زكاه السائمه. On se concentre ici inshallah ta'ala. وما ورد في زكاه السائمه من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب اخراجه. Et ce qui a été rapporté concernant la zakat du bétail, la zakat des bestiaux. Et Sa'ima, c'est pas n'importe quel bestiaux, ce sont les bestiaux qui se nourrissent de ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé sans effort de l'être humain. C'est pas toi qui viens avec les aliments pour les bestiaux. D'accord ? C'est-à-dire que tu les lâches et il y a tout ce dont ils ont besoin. Ça s'appelle donc zakat ou sa'ima. Et donc, concernant la zakat de ces bestiaux, et concernant ce qu'il nous a été rapporté, lié à la zakat de ces bestiaux comme compensation, Alors, cela est connu et cela est délimité, conditionné par l'absence de ce dont il nous est obligatoire de sortir. Par l'absence de ce dont il nous est obligatoire de sortir. Qui m'explique cela? Personne n'a de mouton, personne n'a de bovin, ovin. Que des citadins. Mashallah. Et donc, exemple, on a pour Zakat el-Ibil. Entre 25 et 35 chameaux, lorsque tu possèdes entre 25 et 35 chameaux, et donc ça c'est un nisab, et que ces chameaux sont restés dans ta possession pendant le haoul, lorsque tu as ceci, et que ces chameaux, justement, ils font partie de Sa'ima, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas les nourrir, etc. Mais il y a tout ce qu'il faut autour de toi, donc pour que tes chameaux soient nourris. Lorsque tu as réuni ces conditions, tu dois sortir comme zakat, bintu mahad. C'est quoi bintu mahad? Hein? Sourire l'homme, c'est-à-dire Bikr, c'est pas précis. Je veux plus précis. Elle a un an. Bintou Mahad, ils nous disent les savants, Bintou Mahad, c'est-à-dire Bintou Hamil. Mahad, c'est-à-dire Hamil. C'est-à-dire que sa mère, elle est de nouveau enceinte. Sa mère, elle est de nouveau enceinte. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Bintou Mahad. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est donc la bête. Donc, femelle qui a atteint un an complet et qui est rentrée dans la deuxième année. Un an complet et qui est rentrée dans la deuxième année, on l'appelle Bintou Mahad. Parce qu'en général, quand la bête, quand le chameau arrive à un an complet et qui rentre dans la deuxième année, sa mère, en général, elle est déjà enceinte du deuxième bébé. D'accord? Et donc, Bintou Mahad, c'est ce que tu dois sortir lorsque tu as entre 25 et 35 chameaux. Taïb, tu n'as pas. Tu n'as pas, on va te dire, à ce moment-là, tu peux sortir Ibn Laboun, Zakar. Ibn Laboun, c'est quoi? Ibn Laboun. Donc le boun, c'est la même chose, la mère qui allait. Ah, mashallah. Ibn Laboun, donc là, c'est le mâle qui a 2 ans complets et qui rentre dans la troisième année. Pourquoi on l'appelle Ibn Laboun? Parce que là, sa mère, elle a déjà enfanté. Sa mère, elle a déjà enfanté et elle a du lait. Et donc, on l'appelle Ibn Laboun. Et donc, ici, concernant cette zakat, on voit que normalement, il doit sortir une bête de 1 an. De plus d'un an. C'est ce qu'il doit sortir normalement. Mais par contre, il lui a été autorisé, s'il n'a pas ça, de sortir une autre bête. Le Cheikh Ibn Baz, pourquoi il nous cite ça ici? Il nous dit, dans ce cas-là, ça c'est quelque chose de spécifique et qui est conditionné, la condition lorsqu'on ne trouve pas la bête qu'on doit sortir pour la zakat. Et ça, et donc ça concerne seulement le sujet de la zakat des animaux. Le Cheikh, il nous cite ça, c'est pour éviter, pour fermer la porte à tous ceux qui veulent venir et nous dire, oui, mais on peut sortir l'argent pour zakat al-fitr. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé dans la législation que normalement on doit sortir un genre pour la zakat et en fait c'est autorisé d'utiliser un autre genre. Le cheikh, il ferme la porte. Il te dit, ici il y a des textes qui montrent que tu peux utiliser un autre genre. Il y a des textes qui montrent clairement qu'on peut utiliser un autre genre lorsqu'on n'a pas ce qu'on doit sortir pour la zakat liée aux animaux. Ici, zakat el-fitr, ça n'a rien à voir. Donne-nous la preuve. Et donc le chien ici, il ferme la porte pour éviter toute ambiguïté. Ensuite, il continue, rahimahullah. Kama sabaqa anna al-asla fil ibadat at-tawqif. Comme on a dit précédemment, que la base dans les actes d'adoration, c'est qu'ils dépendent des preuves La base dans les actes d'adoration, c'est qu'ils dépendent des preuves. وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْرَجَ النُّقُودَ فِي زَكَاتِ الْفِطْرِ. Et on ne connaît pas que quiconque parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de l'argent pour l'aumône liée à la rupture du jeûne. وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا. Et ces gens-là, ce sont ceux qui connaissent le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sont ceux qui s'efforcent le plus d'œuvrer avec celle-ci. وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِنُقِلَ كَمَا نُقِلَ غَيْرُهُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ. Et si un d'entre eux, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait cela, alors ceci nous aurait été rapporté, comme autre nous a été rapporté parmi leurs paroles et leurs actes qui sont liés à la législation. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre. Et Allah Azza wa Jal qui nous dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les prédécesseurs, les premiers parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. Ceci est la grande réussite. Et frère, par rapport à ce verset qu'on a beaucoup cité, il est très important. Il y a beaucoup de savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui nous cite أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اشْتَرَطَ شَرْطًا عَلَى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ. Allah tabaraka wa ta'ala a mis une condition à tous ceux qui sont venus après les prophètes, après les compagnons, les muhajirines et les ansar. Quelle est cette condition? Ittiba'uhum bi ihsan, le fait de les suivre de la meilleure des façons. Et donc la personne qui nous dit on doit sortir la zakat en argent, on va lui dire ta'il, ittiba'uhum bi ihsan. On suit ces gens-là de la meilleure des façons. S'il te plaît, montre-nous qu'ils l'ont sorti en argent. Ensuite, le cheikh, pour finir, il dit wa mimma zakarna يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه. Il nous dit le cheikh, et à partir de ce que nous avons cité, il apparaît clairement pour l'adepte de la vérité, que le fait de sortir de l'argent pour la zakat al-fitr, cela n'est pas permis et n'est pas suffisant pour celui qui le fait. Et donc vous remarquez ici, le cheikh il a dit, il apparaît clairement pour qui? Pour l'adepte de la vérité, celui qui cherche la vérité. Parce que celui qui ne cherche pas la vérité, tu peux lui ramener 1000 preuves. Il ne va pas t'écouter, il va toujours s'accrocher aux toiles d'araignée. Ah oui, c'est vrai, tu es venu, c'est vrai, ça c'est la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, mais l'imam Abu Hanifa, il est plus grand que Cheikh Ibn Baz. On va te dire, na'am, sahih, c'est vrai. Dans la communauté musulmane, l'imam Abu Hanifa est plus grand que Cheikh Ibn Baz. Taïb, Rasulullah, il est où? Il n'est pas plus grand que l'imam Abu Hanifa. Taïb, Abu Bakr, il n'est pas plus grand que l'imam Abu Hanifa. Omar, Uthman, Ali, allez, Jami'a Sahaba. Et donc, il est important, oh chers frères, qu'on recherche la vérité. Le Cheikh ici nous appelle à un point important. Le fait qu'on ne s'accroche pas aux passions, la culture, ah mais dans mon pays, ça se passe comme ça, moi dans mon pays, c'est comme ça, et donc je m'accroche à ce qui est dans mon pays, non, dans ma famille, c'est comme ça. On ne se base pas sur nos origines, ni sur notre famille, ou quoi que ce soit. Ad-dalil. L'islam, la religion des preuves, des dalil. C'est important. Ensuite, il finit, rahimahullah, et donc cela n'est pas permis, لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية. Et donc cela n'est pas permis à cause du fait que cela s'oppose à ce qui a été cité comme preuve législative. Et ensuite, le cheikh fait une invocation. Il clôture avec une invocation très importante. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين. Et donc, et je demande à Allah de nous accorder la réussite, ainsi que les musulmans, les autres musulmans, pour atteindre la compréhension dans la religion. Taïb, ici on voit clairement, les frères, lorsque les savants, lorsque les imams, lorsque les étudiants, ils vont répliquer sur une erreur qui est propagée, ils vont répliquer sur une erreur dans la religion. C'est pas pour rabaisser les autres. C'est pas pour dire, ah, vous avez tort et nous, on a raison. On n'a pas 5 ans. On n'a pas 5 ans. Ça, c'est les jeux des enfants, ça. S'ils font ça, c'est pour le bien des gens. Cet imam-là, lui, il veut le bien des gens. Qu'Allah nous accorde la réussite. Il invoque pour les musulmans. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la réussite dans la compréhension de la religion. Et le fait de rester ferme, lorsque tu as compris, il faut aussi rester ferme sur cela. Et le fait de s'éloigner de tout ce qui contredit sa législation tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il finit innahu jawadun karim. Certes Allah donne beaucoup et il est généreux. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et ensuite il signe الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. En espérant que c'était profitable pour tous. Vraiment, c'est important. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous une science profitable et les œuvres qu'ils vont avec. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.